AXA, premier assureur des pros. C'est plus haut qu'on croit, tu vois. Bah, il a pas peur du vide, hein, le cousin. Il pose du zinc, là. Enfin, des ardoises. Faut suivre, hein. Soutenir son cousin pour Patrick, cette famille. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Je me disais peut-être que je devrais faire une enquête pour savoir comment il a vécu, pour savoir plus de choses sur sa vie. Ah oui, fais-le. Tu penses que c'est une bonne idée ? Mais bien sûr, c'est une très bonne idée. Les trotskistes sont, je crois, la seule composante de la résistance en France qui mène un travail systématique, rigoureux, sérieux de propagande au sein de l'armée allemande. Moi, pour moi, c'est un jeune homme de 21 ans qui dit « De toute façon, vous êtes foutus, je vous emmerde. » Et puis voilà. J'ai l'impression que c'est une bonne blague de Sam. Ouais, c'est pas étonnant de sa part. Ce souvenir de Sam, une série d'Antoine Tricot réalisée par Séverine Cassard. Cinquième épisode, Jean Rondeau. Est-ce que tu peux venir ? Est-ce que t'es prête ? Ah ouais ! Samuel est un résistant qui avait pour pseudo Jean Rondeau pendant la résistance. Ok. Il faisait des attaques à main armée pour récupérer des sous pour la résistance. Ok. Ils étaient un groupe de trotskistes de la 4ème internationale. Et d'où t'as tiré ça ? J'ai reconnu sa photo dans les images Google. Ah, après, t'es allé sur le site de la photo. Et la photo, elle me renvoie au site du métro. C'est ouf. Donc, c'est une vraie source, là, le dictionnaire du mouvement. Absolument, c'est une vraie source. C'est Daniel Grazon qui a écrit ça, qui est un ancien militant communiste et rédacteur en chef d'un journal. Mais il a jamais parlé de ça après. Ben, en tout cas, pas à ma grand-mère, pas à ma famille. Ce que je présente à Nabila, ma compagne, est un coup de tonnerre pour moi. Lorsque j'ai promis à ma grand-mère Alice de retrouver des traces de son ami Sam Mandelbaum, je pensais avoir affaire à un jeune homme qui s'était caché à la campagne pendant la guerre et qui s'était fait arrêter par malchance par la Gestapo. Je découvre que le destin de Sam a été tout autre. Rien à voir avec ce que ma grand-mère avait écrit dans un article qu'elle lui avait consacré en 1998, ni avec ce qu'elle nous a raconté, à moi ou à ma mère. Toi, Alice, elle racontait comment sa période avant son arrestation pendant la guerre ? Une jeunesse d'enfants qui foutaient rien, enfin de jeunes ados qui sortaient avec ses copains, et voilà, ce dont je me souviens. En fait, cherchant sur Google un document que j'avais déjà trouvé sur lui, j'ai tapé Samuel Mandelbaum et pas Sam Mandelbaum. Tu sais, sur Google, il y a la recherche image. Et en fait, j'ai reconnu une image de lui que je connaissais pas. Et du coup, j'ai cliqué dessus. Et ça m'a amené vers le site du Métron. Je sais pas si tu vois ce que c'est le Métron. C'est le dictionnaire très officiel du mouvement ouvrier français. Ouais. Et il y a une notice sur Samuel Mandelbaum. Avec la photo de Sam au moment de son arrestation en 1944. Et en fait, Sam est un résistant. Il a fait des attaques à main armée pour récupérer des sous pour la résistance trotskiste, la 4ème internationale. D'accord. Ils distribuaient des tracts, ils imprimaient un journal Vérité trotskiste de résistance qu'ils distribuaient. Et en fait, le 9 mars 1944, ils ont été arrêtés parce qu'ils préparaient un cambriolage d'une comtesse dans le 16e arrondissement à Paris aussi. Et ouais. Ils ont trouvé donc chez Sam des tracts et le journal, etc. Mais ça ne te change pas, toi, l'image de Sam ? Bah si. De jeunesse frivole, ça passe à jeunesse militante. Pas la même chose. Et c'est pourtant, c'est l'image que maman m'avait donnée. Mais je pense qu'il lui en a jamais parlé. Elle a écrit son article sans jamais le mentionner. Et en 98, elle avait toute sa mémoire, tu vois. Ouais. Mais c'est quand même... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une bonne blague de Sam. Ouais, c'est pas étonnant. De sa part. L'article du Métron est rédigé sur la base de documents conservés aux archives de la préfecture de police de Paris. Dans le petit bâtiment qui les abrite au Pré Saint-Gervais, en banlieue parisienne, je découvre un dossier numérisé que je consulte sur l'un des postes informatiques dans la salle de lecture. Les documents sont à peine lisibles. Ce sont des copies carbone, donc transparentes, qui ont été scannées de telle manière que sur chaque feuille, on voit à la fois son recto et son verso. Le texte, pourtant tapé à la machine, se superpose dans des amas de lettres délavées. C'est donc en plissant les yeux que je tente de déchiffrer ces comptes rendus d'interrogatoire qui émanent de la brigade spéciale numéro 1 des renseignements généraux. Au milieu de nombreux noms que je ne connais pas, je reconnais celui de Sam. Affaire contre Andrietti, Labourel et autres, archives de la préfecture de police de Paris, sous-série GB85. 25 mars 44. Interrogeons le nommé Mandelbaum, qui décline son identité comme suit à nos questions. Je me nomme Mandelbaum Samuel, né le 25 octobre 1923 à Gribaud, Pologne, de Ephraim et de Régine, juif polonais, célibataire. J'ai satisfait au recensement sur les juifs. Je suis domicilié au 16 bis rue Bardinet à Paris, 14e, dans mes meubles. Je suis artiste peintre de mon état. Je vis essentiellement du produit de mon travail, ce qui me rapporte 1500 francs par mois environ. Je suis titulaire du brevet élémentaire. J'ai été condamné pour vol par le tribunal d'Albi à 8 jours de prison avec sursis en 1940. En lisant les différents interrogatoires, je commence à comprendre comment s'est déroulée l'arrestation de Sam. Le 8 mars 1944, à 16h, rue Lecomte de Lille, dans le quartier d'Auteuil à Paris, sont arrêtées dans la rue deux personnes, Yvon Andrietti et Henri Labourel. Andrietti porte une pièce de monnaie taillée en insigne de police et un plan d'un appartement bourgeois. Chez Labourel, la police retrouve un pistolet et des tracts trotskistes. Lors de leurs interrogatoires, ils auraient livré des informations qui permettent de nombreuses arrestations. Le 8 mars à 20h, on arrête à son domicile dans le 15e arrondissement Denise Soleilbeau. À cette même adresse, 12 rue Ollier sont arrêtés le lendemain, le 9 mars, à 8h, Henri Goldschmidt et Henriette Clichy. Au même moment, Sam est arrêté chez lui dans le 14e arrondissement. Une souricière est dressée dans son appartement et on y interpelle plus tard une certaine Perla Kargemann puis Marguerite Métayer. Un autre groupe de personnes est interpellé à Vanves, dont Maurice Laval et sa femme Renée. Sam est accusé d'avoir fait partie, avec Yvon Andrietti, Henri Labourel et Henri Goldschmidt, de ce que les policiers appellent un groupe d'attaque trotskiste qui prévoyait le cambriolage d'une comtesse dans le 16e arrondissement de Paris. Nouvelle interpellation du nommé Mandelbaum Samuel, alias Rondeau. Je n'avais jamais milité au profit d'aucun organisme politique avant mon arrestation. Il y a environ 5 mois, alors que je me trouvais en camping avec des camarades des auberges de jeunesse, j'ai lié connaissance avec un certain Chrétien. Ce dernier, qui n'ignorait pas ma situation pécuniaire voisine de la gêne, m'a dit qu'il avait un moyen d'obtenir de l'argent en sympathisant avec des éléments trotskistes. Finalement, j'ai été mis en contact avec Andrietti. Ce dernier ne m'a jamais fait allusion à la propagande par tract en faveur de la 4e internationale. Cependant, il m'a fait valoir que les caisses de l'organisation étaient vides et qu'il fallait les remplir. Il a même précisé que certains des fonds qui pourraient être recueillis étaient destinés aux éléments réfractaires. Il fut convenu d'un rendez-vous, au cours duquel il m'a conduit au domicile du nommé Goldschmidt, dit Auchin, où nous avons discuté en présence de la nommée Soleilbeau, de Labourel et d'un autre individu, d'un cambriolage qui devait être effectué sur les instructions d'Andrietti, rue Bassano. Je n'aurais jamais pu espérer trouver autant d'informations nouvelles sur Sam, et en particulier sur sa vie pendant la guerre. Mais quel crédit donner à des mots qui ont été écrits par des agents de police chargés de combattre de manière systématique tout ce que Sam représentait, la résistance, les juifs et les communistes. Je tente de faire la liste des personnes interpellées dans cette affaire. Il y en a 37, dont 14 seront relâchées. Les profils sont très différents. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas que des trotskistes. Un groupe de communistes est aussi arrêté, en particulier un certain Roger François, qui semble clairement le plus important du réseau. Le Métron m'apprend que ce Roger François, arrêté en même temps que Sam, est le pseudonyme de Nissim Léon. Et aussi étrange que cela puisse paraître, ce nom me dit tout de suite quelque chose. Il se trouve que son fils Vladimir Léon est un ami de mon père. Vladimir est réalisateur de documentaires pour le cinéma. Il a même consacré un film à son père, Nissim Dimax. Il a donc rassemblé pour ce film de nombreux documents, et notamment la transcription d'un témoignage de son père, datant de 1986. Bon, écoute, je le trouve pas immédiatement, c'est un peu ballot, parce que je pensais que... que je l'ai... Tu vois, quand je te dis que les histoires d'oubli, les histoires de mémoire, c'est aussi des histoires d'oubli, c'est quand même dingue. Je sais que j'avais anticipé plus ou moins l'affaire en me disant... Ah, attends, peut-être que j'ai là. Tu vois, comme quoi. Nissim Dimax, ouais, c'était des éléments liés au film. Ça, c'est une interview qu'a faite un de mes neveux, en 86. Donc il raconte l'entrée de l'armée allemande, c'était une impression épouvantable. Et l'autre impression, ça a été la décision de faire porter l'étoile jaune aux Juifs. Ça a marqué toute ma vie. Ça m'a marqué très très fort. J'avais quel âge ? 18 ans à l'époque. Oui, c'était en 42. 18 ans, 17 ans. Et ça m'a bouleversé parce que je voyais ma mère, mes petites sœurs porter. Et mon père qui était un homme fier, un homme honnête, un homme pur et qui était comme ça désigné, comme une sous-race. Très vite d'ailleurs, probablement, ça a été mon premier petit acte de résistance. Ça a été de cacher l'étoile. Voilà, et c'est au contact d'étudiants communistes qui étaient infiltrés dans les auberges de jeunesse, c'est là que j'ai compris quelque chose à la politique, que je suis entré un peu en politique. Parce que dans les soirées qu'on faisait en province, dans les auberges de jeunesse, il y avait donc des discussions, ces exposés même, sous un prétexte quelconque, qui nous apprenaient pas mal de choses. Et puis donc, si tu sais, en 42, peut-être pas 42, bon, là, tu vois, il y a toujours l'imprécision des dates. Et j'ai donné mon accord pour faire des actes de résistance, qui étaient ce dont j'ai parlé, de peindre sur les murs, faire des inscriptions, distribuer des tracts, faire de l'affichage. Et ça a duré quelques mois, autant que je me souvienne. Donc là, il y a tout le récit des premières actions. J'avais envie d'aller au-delà, de faire des actions plus organisées, plus systématiques, et j'avais demandé si c'était possible. Alors Claude Maton, son copain de la JC de l'époque, avait transmis officiellement ma demande à l'échelon supérieur, et quelques temps après... Ta demande a été acceptée, tu vas être versé dans un groupe armé, est-ce que ça te va ? J'ai dit oui, absolument, d'emblée. Voilà, et comme il était aux arts et métiers à ce moment-là, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé aussi à s'occuper des explosifs. Ah voilà, ça je pense qu'on arrive à l'arrestation. À cette époque, il nous était interdit d'avoir des planques à Paris, puisqu'on était tellement recherchés, nous trois. Alors nous trois, c'est qui ? C'est donc Henriette. Je crois que j'ai vu avec Ruot et Henriette. Ruot qui était un résistant et qui lui a eu des... Enfin lui, on le retrouve, parce qu'il a eu des postes de responsabilité aussi. Donc, interdit d'avoir des planques à Paris. Enfin, on avait quand même l'autorisation de passer par Paris. D'abord, on ne pouvait pas faire autrement pour aller à certaines réunions d'organisation. Et nous sommes tombés, tout à fait bêtement, Henriette et moi. Simplement, on était complètement crevés. On avait convenu avec Henriette qu'elle allait chez quelqu'un à qui on apportait des cartes d'alimentation volées dans les mairies. Et je devais l'y rejoindre quelques heures plus tard, ou le lendemain. Oui, c'est ça. Je suis venu à la planque sans me méfier. Les flics étaient passés là, avaient arrêté Henriette, qui était ma femme finalement. On vivait ensemble déjà depuis quelque temps. Et la locataire, ils avaient installé une souricière. Enfin, une planque eux-mêmes, mais sans savoir qu'ils tombaient sur la résistance. Ils pensaient que c'était un truc de marché noir, de trafic. Et quand je suis arrivé, j'étais très fatigué, certainement. Je ne me méfiais pas assez, j'ai frappé, je suis rentré. Alors que j'avais mon pétard sur moi, j'aurais pu me défendre. Mais j'ai été tout de suite maîtrisé. Ils ont tout de suite trouvé le pétard. Alors là, évidemment, ça les a orientés vers autre chose. Et les flics qui m'ont arrêté... m'ont transmis tout de suite à la brigade spéciale numéro 2. Pendant tous ces transferts, heureusement, j'ai eu le temps d'avaler un certain nombre de petits papiers que j'avais, pense-bête forcément, on marquait très peu de choses, mais quand même. Alors j'en ai avalé une partie, mais ils ont quand même trouvé quelques bribes de papier, et notamment une bribe, je me souviens, une directive provenant du commandant Maxime, le commandant de la subdivision, et ils ont cru que c'était moi, justement. Alors bon, j'étais tabassé, la torture, bon. Mais j'ai fait semblant d'avouer, de dire tout à plusieurs reprises, donnant à chaque fois des identités qu'il vérifiait, puis c'était encore une fausse, etc. Je m'en suis tenu à Roger François. François, nom de famille, et Roger, le prénom. Né le 20 mars, je ne sais plus, 1930. Ou... Et c'est ça qui m'est resté tout le temps, car je ne pouvais pas dire mon nom, c'était impossible. Le 3 avril 1944, Mandelbaum Samuel, dit Rondeau. Attendu qu'il formait avec les nommés Goldsmith, Andrietti et Labourel, le groupe spécial relevant de la 4e internationale, chargé par des attaques à main armée dirigées contre les personnes et les propriétés, d'alimenter les caisses du parti. Qu'il était en possession de deux plans de localité, avec des indications concernant certains établissements de commerce, à cambrioler vraisemblablement, ainsi que d'un loup de toile bleue. L'inculpons d'infraction à la loi du 5 juin 1943. Attendu qu'il détenait à son domicile un lot de tracts édité par la 4e Internationale, disons qu'il peut être inculpé d'infraction au décret du 24 juin 1939. Attendu d'autre part qu'il était nanti d'une fausse carte d'identité en cours de confection supportant sa photographie, disons qu'il peut être inculpé d'infraction à la loi du 27 octobre 1940. Ce qui est intéressant dans ce dossier aussi de la préfecture de police, c'est les photos. Et quand on les met côte à côte, du coup, il y a des photos d'identité hein, avec les numéros, etc. Donc il y a effectivement donc, ton père, il y a Henriette. Hein, Mais tu vois, ça c'est évidemment Henriette, dont moi je ne sais même pas si j'ai vu des photos, de les voir l'un à côté de l'autre, sur des photos anthropométriques comme ça, les sachant amants, les sachant, en plus encore une fois, avec cette importance bouleversante pour mon père, de cette première femme qu'il a aimée, et là qui sont soudain rapprochés par une prise de vue de la préfecture à quelques d'ailleurs numéros de clichés près, puisque je vois qu'il y a un numéro 856651 pour Léonissime, et puis pour Henriette Clichy-Tovarovski, 856661, il y a 10 clichés peut-être entre, et ces deux destins qui vont, là pour le coup, pas avoir du tout la même fin, puisque Henriette va être déportée et va mourir à Auschwitz. Alors c'est sûr que c'est assez saisissant, ces images, avec en plus ce truc de la photo anthropométrique où tu as l'impression d'être regardé aussi, en même temps que tu les regardes. Et certains qui gardent une forme de je sais pas, de sourire ou de... Sam notamment, qui a une drôle de regard qui est quand même quasi ironique, non? Je trouve qu'il a un sourire. Oui. C'est troublant, hein, surtout quand on sait ce qu'il attend. Et la question, c'est est-ce qu'il sait ce qu'il attend? Moi, j'y sens de la résistance. Parce que c'est de la vie. C'est pas un regard mort, quoi. C'est un regard... il est vivant. Et il est jeune. Tu vois, là, il a une espèce de coiffe, de cheveux en bataille. Il pourrait être tout à fait... Il a un côté très contemporain. Tu pourrais le croiser en bas, là. Il faudrait sans doute relooker un petit peu, mais il y a quelque chose dans ses cheveux en bataille, ce sourire, ce regard un peu... Et ça, il y a cette force face à l'abomination, la mort, ce qu'ils vont tous traverser, ce qu'ils ont tous traversé. Moi, je crois quand même à cette puissance de la jeunesse comme aussi moteur de résistance, de défi, quoi. Quel âge il a, là, Samuel? Lui, il est né en 23, donc oui, là, on est en 44, pareil, il a 21 ans, quoi. C'est un jeune homme... pour moi, c'est un jeune homme de 21 ans qui dit, de toute façon, vous êtes foutus, je vous emmerde, et puis voilà, quoi. Infraction à la loi du 5 juin 1943, association de malfaiteurs. Décret du 24 juin 1939, propagande d'origine étrangère. Subsidiairement, décret du 26 septembre 1939, propagande communiste. Loi du 27 octobre 1940 sur la carte d'identité et loi du 4 septembre 1942 sur le service du travail obligatoire. Bilan, 33 arrestations, 20 maintenues, 2 inculpés libres, 12 Français ariens, 5 Français juifs, une Roumaine juive, 2 Juifs polonais. Branche trotskiste, groupe spécial armé, 4 membres, dont un chef de groupe. Branche trotskiste, propagande, un chef de groupe, un dactylo, 2 agents de renseignement. Branche communo-terroriste, un agent de liaison sur le plan national. Matériel saisi, 2 pistolets automatiques, 3 revolvers à barillet, 2 matraques, un loup en drap bleu, un faux insigne de police. Grâce à ce dossier, j'ai l'impression d'avoir fait un bond dans mon enquête. Pourtant, je ne sais toujours pas comment Sam est entré en résistance. Je ne peux qu'imaginer que son parcours a eu des similitudes avec celui du père de Vladimir. Mais contrairement à Nissim Léon, qui était très implanté dans le parti communiste, Sam était trotskiste. Et je dois l'avouer, je ne connais pas grand-chose au trotskisme. Je sais que c'est un mouvement politique et intellectuel marxiste, critique du communisme et en particulier de l'URSS de Staline. Je vois aussi sur Internet que les trotskistes se réclament de la 4e internationale, qui a été fondée en 1938 par Léon Trotsky, l'une des grandes figures de la révolution russe alors en exil. Est-ce que j'ai le droit de dire que tu as été militant trotskiste ? Oui, je ne l'ai jamais caché. Ça fait partie de mon parcours. Il n'y a aucune raison de le cacher, d'en avoir honte, ni d'en être particulièrement fier. Disons. Je crois que c'est un parcours qui a été partagé par beaucoup d'intellectuels de ma génération. Et j'ai toujours conçu le travail intellectuel comme indissociable d'un engagement citoyen et politique. Enzo Traverso a été mon professeur à l'Université libre de Berlin, il y a de cela pas mal d'années. Il est historien, spécialiste de l'histoire des idées, et il a travaillé sur le nazisme, l'exil des intellectuels juifs allemands et l'histoire des mouvements politiques de gauche. Il a bien connu le trotskisme de l'intérieur, même s'il a pris ses distances avec ses organisations politiques depuis plusieurs années maintenant. Je viens te voir aussi parce que j'ai du mal à trouver des sources sur l'histoire de la résistance trotskiste. Alors je tombe sur ce groupe défini par la préfecture de police comme affilié à la 4e internationale, qui est donc arrêté en mars 1944. Et du coup j'essaie d'en savoir plus sur ce qui se passe finalement dans les milieux trotskistes pendant la guerre, et c'est très difficile, il y a peu de livres d'histoire, il y a peu d'universitaires qui s'en sont saisis, peu d'historiens. Et je me demande d'où ça vient. Est-ce que, finalement, la résistance trotskiste était si insignifiante, finalement, c'était très peu de gens, qu'on n'a pas vraiment gardé de traces, par exemple, dans les livres d'histoire sur la résistance, on ne parle jamais des trotskistes. Alors, certainement parce qu'elle était très minoritaire. Cela est un fait. Elle n'a jamais concerné que quelques centaines de militants. Mais cette résistance a eu lieu. Or, parmi les raisons qui explique cette marginalisation ou cette incompréhension de la résistance trotskiste, il y a la nature même, je crois, de la résistance trotskiste, qui était une résistance atypique. C'est-à-dire, les trotskistes reconnaissaient que les pays occupés par l'armée allemande étaient des pays dans lesquels les mouvements de résistance prenaient aussi la dimension de mouvements de libération nationale. Ils le reconnaissaient et cela apparaît dans leur propagande, dans leurs textes. Mais la guerre de classe, je crois, avait dans la résistance trotskiste une prééminence, une dimension qui tendait aussi à éclipser, disons, la guerre de libération nationale. Et les trotskistes, à la différence de tous les autres courants des mouvements de résistance, n'ont jamais abandonné, au nom de la lutte de libération nationale, leur internationalisme. Le Parti communiste a bâti un grand et puissant mouvement de résistance au nom de la lutte contre les Boches. Et donc, l'Allemand était l'ennemi. Il fallait résister contre l'occupant allemand. Pour les trotskistes, l'Allemand n'a jamais été l'ennemi. Les trotskistes sont, je crois, la seule composante de la résistance en France qui mène un travail systématique, rigoureux, sérieux, de propagande au sein de l'armée allemande, pour essayer de briser, disons, l'armée allemande et de recruter chez les soldats allemands des alliés et des résistants. Et ils y parviennent, parce qu'en Bretagne, ils arrivent à nouer des contacts avec des soldats allemands qui sont communistes, qui sont anti-nazis. Ils décident et ils publient ensemble un journal en français et en allemand qui s'appelle Arbeiter und Soldat, l'ouvrier et le soldat, et ils créent tout un réseau de résistance au sein de la Wehrmacht. Or, la Wehrmacht parvient à découvrir qui sont les agents qui ont créé ce réseau. Il va le démanteler, il y aura une répression terrible qui va suivre. Mais c'est un exemple qui indique l'esprit dans lequel les trotskistes s'engagent dans la résistance, qui est un esprit internationaliste qui entre en conflit avec l'esprit patriotique et souvent nationaliste, pour ne pas dire chauvin, de la résistance française, aussi bien gaulliste que communiste. La Vérité, organe du Parti ouvrier internationaliste, 15 octobre 1943. Depuis 15 jours, la Gestapo est sur les dents. Essayant de parer au coup mortel que notre propagande porte au régime nazi, elle pourchasse nos militants, aidés en cela par les rapports de la préfecture. Tous doivent se tenir sur leur garde. Quant à nous, rien ne nous arrêtera, ni les provocations inévitables, ni les arrestations et les tortures qui nous sont promises. Nous savons qu'en tendant la main à l'ouvrier allemand sous l'uniforme, nous frappons l'hitlérisme avec plus d'efficacité que ne sauraient le faire des assassins terroristes. Que la Gestapo s'en aperçoive un peu tard, n'est pour nous qu'une raison de plus de persévérer. Je ne sais pas comment se positionne théoriquement Sam, dans cette résistance qui est plus révolutionnaire que nationale. Je m'aperçois qu'une des membres de la cellule brestoise, qui tente justement de retourner les soldats allemands, se réfugie chez lui, à Paris, quand la cellule est démantelée. Mais je n'ai pas de trace de la participation de Sam à ce travail allemand dont parle Enzo Traverso. Tout ce que je sais, c'est que la police a trouvé chez lui de nombreux exemplaires du journal La Vérité. Tous les débats de doctrine politique me semblent vraiment loin de la description que ma grand-mère faisait de Sam. Et la diversité des profils des personnes qui se font arrêter en même temps que lui est un contre-exemple de pureté idéologique. On retrouve des communistes, des trotskistes, des agents de renseignement gaullistes qui tous travaillent ensemble. Certains font seulement du marché noir, d'autres organisent des grèves, d'autres écrivent des tracts ou bien assurent la sécurité de congrès politiques clandestins. D'autres encore font du repérage pour guider des bombardements anglais. Mais en regardant à nouveau les comptes rendus d'interrogatoire, un autre point commun me saute aux yeux. La grande majorité des personnes arrêtées sont jeunes. Ils ont entre 18 et 28 ans. Mais surtout, plus d'un tiers d'entre eux mentionnent qu'ils se sont rencontrés en auberge de jeunesse. C'est le cas de Marguerite Métayer, Léon Nissim, Henriette Clichy, Maurice et René Laval, et aussi de Sam. Mais quel a été le rôle des auberges de jeunesse durant la guerre? Et surtout, qu'est-ce que faisait Sam dans ce milieu? C'était « Se souvenir de Sam », cinquième épisode, Jean Rondeau. Avec Françoise Thévenet, Vladimir Léon et Enzo Traverso. Lecture, Hélène Losseur. Tout de suite, sur France Culture, le sixième épisode. Quand il avait 18 ans, il était plutôt dans une jeunesse un peu mouvementée ou excessive, où il faisait des soirées, où il cherchait rien à l'école. Où... Et puis il a été chopé par la Gestapo dans ce mouvement-là, quoi. Je ne suis même pas sûre que quand il faisait des actes de résistance, il se rendait vraiment compte que c'était de la vraie résistance. Allô ? Oui. Alors, écoutez, les gens que vous citez, moi, je les ai bien connus. Bon, j'ai bien connu Roland de Pape, et très très bien connu surtout par Jean Berland. Et vous savez comment ça arrive, on s'est perdu de vue. Se souvenir de Sam, une série d'Antoine Tricot, réalisée par Séverine Cassard. Sixième épisode, Auberge de jeunesse. Je vous ai sorti une photo, c'est cette photo-là. La fameuse photo, oui. Voilà, la photo donc qui vous intéresse. Hein. Bon, c'est pas la bonne qualité, mais voyez, on voit mieux tout le monde, quoi. Oui. Est-ce que vous savez de quand date cette photo? A priori, c'est pris dans les auberges de jeunesse. Hein. Ça va être en 40-41. Plutôt 40, à mon avis. 41, c'était déjà plus difficile de se réunir. On voit donc Maurice, là, il est vraiment très jeune, en plus. Ben, il a, en 40, il a 20 ans. Il a adhéré aux auberges en 1935, donc très tôt. Mais les responsabilités, il les a eues qu'au début de la guerre. C'est pour ça que je pense que c'est à ce moment-là, cette photo. Je ne la vois pas après, parce que après, ils ont. Maurice, il dit qu'il a recueilli des soldats qui venaient, etc., dans les auberges jeunesse, donc je pense qu'ils ne pouvaient plus faire de grandes réunions comme ça. D'accord. Hein, parce que là, vous voyez, ils sont nombreux quand même. Hein. Est-ce que vous avez d'autres noms de personnes qui sont sur cette photo? Oui, alors, c'est le peintre Guy Coing qui a envoyé cette photo et qui a donné les noms de ceux qu'il reconnaissait. À quel moment il vous a envoyé ça? Après le décès de Maurice. Et il avait bien reconnu, hein, lui. Donc il a marqué... Altman, voilà, ouais, ça. Il a marqué Sam Mandelbaum. Du coup, moi, ça me permet de valider le fait que c'est bien ça. C'est bien lui. Bon, de toute façon, on reconnaît bien sur les photos, hein. Altman, ça c'est des gens... Altman, c'est devenu un peintre aussi. C'était quelqu'un que connaissait Maurice? D'évidence, il connaissait tous ces gens-là. Hein. Il était le père aubergiste, donc tous ces gens-là qui étaient là, il les connaissait tous, hein, il ne les avait pas invités comme ça. Mais je n'ai pas plus... je vous dis, c'est grâce à Guy Coing qu'on a réussi à avoir des noms, hein, que moi je ne connaissais pas. À Quimper, le temps est à la tempête. Dans la véranda de Marie-France Laval, le vent nous entoure comme un tourbillon. Au centre, il y a cette photo. On y voit Sam à 17 ou 18 ans, au milieu d'un groupe d'une trentaine de jeunes femmes et de jeunes hommes, des agistes comme on dit, des membres des auberges de jeunesse. Je suis tombé dessus en lisant le livre sur la vie de Maurice Laval, écrit par le journaliste Bruno Salin. Cela m'a fait un choc. Cela veut dire que Maurice Laval et Sam se connaissaient depuis plusieurs années, avant leur arrestation par la police parisienne en mars 1944. Et la photocopie sur laquelle sont griffonnés les quelques noms que cite Marie-France, la veuve de Maurice, est un document encore plus précieux. Il me permet de faire entrer Sam dans tout un réseau de personnes ayant des destinées comparables à la sienne. Le peintre Jacques Yankel Guy Coing, qui est comme Sam, le fils d'un peintre de l'école de Paris. Les frères Altman, qui sont eux les petits-fils d'un autre peintre de l'école de Paris. Et tous ont grandi à Montparnasse. Maurice Laval a passé son adolescence à peine plus loin, à Montrouge. Et lui, en tout cas, était un militant trotskiste convaincu à l'époque. Et plus j'y pense, plus il me semble plausible que ce soit Maurice qui ait tiré tout le groupe vers le trotskisme et la résistance. Est-ce que vous savez comment il est devenu trotskiste? Alors, il est devenu trotskiste parce qu'il est, il a commencé en 1935... Il était aux jeunesses socialistes et il est passé aux jeunesses socialistes révolutionnaires. Et en 1937, il adhère au POI. Donc c'est le POI, c'est le trotskisme. Après, chez les trotskistes, il y a toujours eu des scissions. La phrase, on dit un trotskiste, ça va, deux, ça fait déjà une révolution. Est-ce qu'il vous avait dit ce qui l'avait séduit dans le trotskisme? Son père était socialiste déjà. Et il a continué dans la mouvance et puis je pense qu'il avait, en 35, il avait 15 ans. Donc c'est l'époque où on a envie de tout défoncer, d'aller, de réagir et que ça. Ni Hitler, ni Staline. Hein. Ça c'était bien clair. Hein. De toute façon, ceux qui étaient là, le but de Maurice et des chefs trotskistes, hein, c'était de faire entrer tous les trotskistes, c'est ce qu'on appelle l'entrisme. Les trotskistes, ils pratiquaient ce qu'on appelle l'entrisme. Ils adhéraient à beaucoup de choses et ils essayaient d'imposer un peu leur point de vue, ce en quoi ils croyaient, ce qu'ils voulaient défendre. Et donc, c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans les auberges de jeunesse. Ils ont mis à la porte des gens qui étaient de l'autre côté. Justement, quand Maurice Laval entre en résistance, est-ce qu'il vous a dit comment il était rentré en contact avec un réseau peut-être ou un mouvement de résistance? Il est rentré en résistance. Alors là, il y a des souvenirs très précis qu'il a écrits. Hein. Comme il était trotskiste et qu'il était rentré dans les auberges de jeunesse. Hein. Il était dans les auberges de jeunesse. Ça souffle. Lui, il n'a jamais supporté l'invasion allemande. Et surtout, ce qui les a fait péter un plomb, entre guillemets, hein, c'est pas très joli, mais c'est la poignée de main entre Hitler et Pétain. Donc, si je comprends bien, il rentre d'abord en résistance par les auberges de jeunesse. Voilà, les auberges de jeunesse. Et là, il cachait déjà des gens et il cachait les papiers. Au Palais Royal, donc rue de Valois, où il y avait le siège des auberges de jeunesse, il a brûlé des papiers de gens pour qu'ils ne soient pas repérés par les Allemands, etc. Là, ils ont déjà fait des actes de résistance, déjà. Hein. Alors, l'auberge de jeunesse dont il était père aubergiste, après, il était responsable national, mais il a été père aubergiste, c'est à Cernay-la-Ville. C'est dans le sud de Paris, c'est à côté de... Vous voyez où c'est? Et c'est un bel endroit. Hein. Il y a une abbaye, etc. Donc il était père aubergiste là-bas, ça voulait dire qu'il faisait quoi exactement ? C'était le chef. Il gérait l'administration, c'est pour ça qu'il a pu recueillir des gens, faire donner des papiers, etc. Vous voyez, je bois un verre dans le bistrot de Cernay-la-Ville, près de l'auberge de jeunesse. J'apprends que les Allemands sont entrés en France en juin 40, et ils ont transformé en une base tout un tas d'activités pendant la guerre. Donc, cacher des gens, etc. Donc, l'auberge de jeunesse de Cernay-la-Ville a vraiment servi comme lieu de résistance. Et je pense que la photo a été prise là. Pour moi, c'est ça. Hein. Alors là, je ne gérerai pas, mais je pense que c'est là. Alors, voilà. Comment as-tu été recruté par le BCRA ? C'est la question que lui a posée. C'est très simple. J'étais responsable du Centre laïque des auberges de jeunesse, le CLAJ, au T3 avec Lucienne Abraham, Jacques Giraud. J'avais transformé les auberges de jeunesse en centre d'accueil de gens qui voulaient résister. Un jour, un monsieur est venu me voir. Il m'a expliqué que je faisais un travail intéressant. L'auberge de Cernay-la-Ville que l'on pouvait joindre en train était un peu le centre névralgique de ça. J'avais monté un état-major intérieur. Il m'a dit « Vous êtes intégré au BCRA, voilà, et vous recevrez les directives. » De là sont parties les actions de résistance. Et il était payé par le BCRA. Il faisait vivre tous les gens qui étaient, les agents et tout ça. Tout ce que vous me dites, ça fait écho à plusieurs choses dans ma tête. Ça veut dire que si on en croit la photo où on voit Sam et Maurice Laval dessus aussi, et vous me dites en même temps que cette auberge de jeunesse était un lieu de résistance dès 1940. Oui. Donc il y a fort à parier que ce groupe de jeunes qu'on voit là était tous plus ou moins intégrés dans la résistance, plus ou moins activement. Certains faisaient, d'autres faisaient pas, hein. C'est toujours pareil, hein. Puis il y a des gens qui osent plus, d'autres qui sont trop timides, ça dépend de plein de choses, hein. Mais là je pense que c'était les gens qui étaient autour de lui, forcément je pense qu'ils étaient tous dans le même bain, hein. Ils résistaient déjà. Le dossier de résistant de Maurice Laval, conservé au service historique de la Défense, confirme son affiliation comme agent de renseignement pour le BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action à Londres. Cette double affiliation au trotskisme et au réseau gaulliste n'est pas très courante, et je n'ai pas de preuve qu'il a entraîné tout ce groupe dans une résistance active. Mais au-delà de cette question, ce que je trouve incroyable dans cette photo, c'est la vie qui s'en dégage. J'ai l'impression d'avoir enfin mis le doigt sur un élément fondamental pour comprendre Sam. J'ai l'intuition que pour lui, l'angle auberge de jeunesse est bien plus pertinent que celui du trotskisme. Pourtant, encore une fois, je peine à trouver des traces de cette histoire dans les livres que je consulte. Je tombe finalement sur une thèse d'État, publiée par Lucette Heller Goldenberg en 1985 et qui a été récemment republiée en version numérique. Professeure émérite de l'Université de Cologne, elle est spécialiste de littérature maghrébine. Elle s'est intéressée aux auberges de jeunesse un peu par obligation, voyant que rien n'avait été fait sur cette histoire et que cette mémoire était en train de se perdre. Dans les années 70 et 80, elle a donc interviewé près de 150 témoins et a récolté de nombreux documents, aujourd'hui déposés dans un fonds à son nom aux Archives nationales. Elle m'invite à venir discuter de cette histoire chez elle, à Nice, dans un bel appartement face à la Méditerranée, à quelques pas du port. Pour commencer, je voulais montrer une photo, parce que je suis à la recherche d'un ami de ma grand-mère qui s'appelle Sam, et j'ai retrouvé dans un livre d'un certain Maurice Laval cette photo, qui date a priori de 1940, où on voit entouré Maurice Laval, et à côté, on a donc Sam, la personne sur qui j'enquête, et en fait, je voulais vous demander, est-ce que cette photo est typique des groupes de jeunes, des auberges de jeunesse de cette époque, 1940? Tout à fait. Nous voyons des gens assis, qui ont l'air de bien s'entendre, qui se regardent. Donc c'est toujours ce contact d'amitié. Et quand j'ai questionné une fois un des piliers de ceux qui m'ont beaucoup aidé pour ma thèse, c'est Robert Auclair. Et il a prononcé le mot « camarade » avec un tremblement dans la voix. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et cette photo, c'est tout à fait la photo des camarades. Donc ici, on voit des jeunes qui sont torse nu, en short, des femmes, des hommes mélangés, avec un foulard, très décontractés, des chemisettes. Ils sont assis par terre, les autres sont debout, ils ont l'air en bonne entente, ils se regardent. Il y en a un qui fume la pipe, je crois. Et C'est tout à fait révélateur des photos qu'on m'a données, que j'ai pu voir, et des souvenirs qu'on m'a donnés. À quoi ressemblaient ces lieux, les auberges ? Il y en a eu de toutes sortes, mais c'était essentiellement dans la campagne, en Provence, dans des lieux aussi vers la mer. En Bretagne ? Il y a eu en Bretagne, il y en a eu beaucoup. Là, j'avais répertorié, mais ça avait beaucoup augmenté à partir des congés payés. En 36, là, c'était 10 fois plus qu'avant. André Essel, France Culture, Le Bon Plaisir, novembre 1991. C'était fantastique, les auberges de jeunesse. D'abord, un mot. C'était l'époque des années, on peut dire 36 jusqu'à la guerre, où il y a eu l'explosion des mouvements de jeunesse, en général. Et ces mouvements de jeunesse ont représenté pour l'époque un milieu extraordinaire. Il y avait beaucoup de disparités. Il y avait des mouvements religieux, quelques mouvements laïques, les éclaireurs de France, et puis il y avait les auberges de jeunesse. Bon, les mouvements de jeunesse ont apporté beaucoup aux jeunes, en général. Ils leur ont appris d'abord à vivre ensemble, à s'assumer. Quand on organise un feu de camp, il y a des gens qui vont chercher du bois, il y a des gens qui font le feu, il y a des gens qui font la soupe, il y a des gens qui font les commissions, qui ont apporté ce qu'il fallait, etc. Quand on chante, on apprend à chanter ensemble. C'est une façon d'aller avec les autres, de ne pas être dissonant, de ne pas faire n'importe quoi qui emmerde les autres. Et les noirs soucis, mes frères de labeur, chantons tous en chœur, que la route est jolie, jolie, vraiment. Amis, vive la vie, et on va tant. Que la route est jolie, jolie, vraiment. Amis, vive la vie, et nos 20 ans. La camaraderie, c'était essentiel. Et camaraderie entre les hommes et les femmes. Et alors, aussi pour les corvées. Il n'y avait pas une corvée pour les femmes, une corvée pour les hommes. Et c'est quand même un des premiers mouvements de jeunesse qui était mixte. Et ça posait beaucoup de problèmes. Souvent, quand ils traversaient les villages, on les appelait les nudistes parce qu'ils étaient en short. Et ça ne plaisait pas du tout aux villageois qui étaient là et qui disaient « Comment des garçons et des filles presque déshabillés comme ça, ensemble ?» C'était un scandale à l'époque, ça n'était pas du tout commun. Mais c'était quand même des camarades. Et c'est ce qui explique qu'après, pendant la guerre, il y a eu justement aussi cette... la majorité était de gauche et ils étaient surtout des résistants. Et quand la guerre a été perdue, en juin 40, et je me suis retrouvé militaire non démobilisé à Limoges pour un an, pour prendre un contact avec d'autres jeunes, pour ne pas me retrouver comme un idiot tout seul, les mouvements politiques étant interdits, j'ai adhéré aux auberges de jeunesse. Et naturellement, j'ai mené mon activité politique, en particulier à l'intérieur du mouvement. Les auberges étaient un très bon moyen de se réunir sans être suspect. Les mouvements de jeunesse étant contrôlés par Vichy, mais autorisés, tolérés plus exactement, se rendre dans une auberge de jeunesse n'était pas suspect. Ça s'est mal terminé pour les auberges. Hein. Mais dans les premières années de l'occupation, les auberges ont été une couverture pour d'abord un grand nombre de trotskistes et pour les communistes aussi. Et en fait, les deux tendances qui s'affrontaient à l'intérieur des auberges, clandestinement, c'était les communistes et les trotskistes, encore une fois. Ce qui me paraît contre-intuitif, c'est le fait que les auberges de jeunesse aient pu perdurer durant la guerre. D'une part dans la zone sud, sous le gouvernement de Vichy, mais aussi dans la zone nord, occupée par les nazis. Dans sa thèse, Lucette Heller-Goldenberg consacre pas moins de 500 pages à cette question. Et le moins que je puisse dire, c'est que c'est compliqué. Après l'arrivée des Allemands à Paris en juin 40, les collabos et les résistants s'affrontent, se succèdent et cohabitent à la tête des organisations agistes. Certaines sont interdites, puis légalisées, puis tolérées, puis à nouveau interdites. Et ce flou dure presque jusqu'à la fin de l'occupation. Ce que je comprends, c'est que les autorités allemandes et celles de Vichy ont tenté de se servir des auberges pour embrigader la jeunesse française. Une partie des dirigeants agistes a alors accepté leurs conditions. Si on se soumettait, on avait l'assentiment et on avait le droit d'être un organisme officiel, ce qui était une couverture formidable pour les jeunes qui voulaient être résistants. Ils avaient des cartes d'alimentation, Ils étaient un peu isolés, puisque c'était le plus souvent les auberges jeunesse n'étaient pas en ville. Et c'est pourquoi ils ont accepté, mais ça leur faisait mal au cœur, qu'on n'admet pas les juifs. Alors, ils ont accepté officiellement, mais ils ont volé des cartes d'identité. Et il y a eu, dans les auberges jeunesse, on donnait aux juifs et aux communistes et aux trotskistes, on leur donnait de faux papiers d'identité qu'on avait fabriqués. J'ai quelques exemplaires de ces cartes et les tampons qu'ils utilisaient. Et j'ai quelques cartes même où on voit la même photo avec plusieurs noms. Vous pouvez nous montrer ? Oui. Donc c'est une boîte que vous nous ouvrez avec plein de... C'est une boîte. Alors ici, vous avez les cartes d'identité. Ils allaient dans les mairies au péril de leur vie pour voler des cartes d'alimentation, des certificats de travail. Et ils avaient aussi tous les tampons. Ils volaient les tampons. Alors, vous avez ici Robert Dusselier. Il y a Jean-Paul Mourier. Souvent, c'était des cartes d'identité de juifs. Et on leur donnait d'autres noms. Vous avez Luc Chamberton. Mais c'est pas leur vrai nom. Il y a leur photo. Et souvent... Je crois que j'en ai quelques-unes où on voit la même photo avec deux ou trois noms différents. J'ai assisté à une chose qui a été pour moi, qui a resté un souvenir extraordinaire. Un jour, il y avait eu un congrès des auberges de jeunesse qui se tenait à Molan, dans le Doubs. C'était pendant la guerre, ça ? Pendant la guerre, en pleine guerre, en 1942. Et il y avait des gens qui étaient venus des délégués qui étaient venus de toutes les parties de la zone libre, dite libre, zone non occupée. Et il faisait pas beau, on avait fait un feu dans la vieille auberge de jeunesse, dans une très grande cheminée, et on chantait. Puis, qui a commencé le premier? Je sais pas. On entend un murmure. Et une voix qui continue. Et on entend et tout d'un coup, en 42, en pleine occupation allemande, nous étions une centaine de délégués, tout le monde se met à chanter International. C'était terrible, c'était fou, c'était dangereux, un seul traître, on était tous foutus. J'en pleure encore quand j'y pense. C'était cette jeunesse qui savait qu'au-delà de l'occupation, du nazisme, de la Gestapo, des milices, du pétainisme stupide, du travail famille-patrie, il y aurait autre chose un jour. C'était ça le champ d'espoir. C'était pas vraiment des gens qui étaient socialistes, communistes ou trotskistes, encore que nous avions le même champ. C'était ça. C'était après, il y aura autre chose. Je crois que les jeunes venaient... Parce qu'on leur disait « ne partez pas au STO » et ça se sait assez vite de bouche à oreille parce que c'était tout un groupe qui devait partir. Ils disaient « non, mais va plutôt là, dans les auberges, on va te donner une couverture ». Je ne suis même pas sûre que quand ils faisaient des actes de résistance, ils se rendaient vraiment compte que c'était de la vraie résistance. Je crois qu'ils faisaient de façon plutôt inconsciente, sans trop... Savoir ce qu'ils faisaient, c'était beaucoup plus par humanité. C'était des camarades. Il fallait sauver le maximum de gens. Il fallait aider. Et il fallait s'amuser. Il fallait aller encore faire des marches, découvrir la nature, se sentir bien, garçons et filles. Beaucoup ne se rendaient pas compte des dangers qu'ils avaient eux-mêmes ou auxquels ils exposaient d'autres. Parce qu'il ne faisait pas très attention. Témoignage de France Hamelin, recueilli par Lucette Heller Goldenberg le 8 mars 1979. J'habitais dans le 4e, à la limite du Marais, à un logement de deux pièces. Il n'était pas repéré, je n'étais pas connue dans le quartier. Il y a un tas de jeunes qui ont défilé. Ma concierge croyait que je couchais avec tout le monde. Moi, je me contentais d'héberger. Et les gars avaient le temps de se retourner, maquis ou une tente à la campagne. Un soir, au club de Vanves, il y avait eu des arrestations. Mon mari était déjà dans la résistance. Il m'a demandé de distribuer des tracts pour aider les gens qui avaient été arrêtés, pour prouver que ce n'était pas eux qui distribuaient les tracts. Après, on a continué. On faisait ça le soir après le couvre-feu. Parfois, on jouait aux amoureux. Il y avait aux auberges toutes les tendances représentées, mais toutes de gauche. Mais moi, ces petites batailles, ça me passait un peu par-dessus la tête. J'échappais à la lutte des tendances qui cherchaient à recueillir le maximum d'adhérents. Les partis, eux, venaient aux auberges car il y avait beaucoup de jeunes et il fallait aller les recruter là où ils étaient. Il y a dans le témoignage de France Hamelin une naïveté qui me fait penser à Sam. Je le vois bien entrer aux auberges de jeunesse à la fin des années 30, avec un groupe de copains du 14e arrondissement de Paris. Il y rencontre du monde, dont certains sont trotskistes. Durant la guerre, il y obtient de faux papiers. Il s'y cache aussi, peut-être. Et après la déportation de ses parents, en juillet 42, les auberges de jeunesse deviennent sa seule famille. Progressivement, il participe à la résistance, sans s'en rendre vraiment compte d'abord. Il héberge des copains agistes, puis stocke des tracts, puis des tas de journaux. Et comme il sait dessiner, il fait des plans. Puis, à un moment donné, il commence à faire des actions plus musclées. Tout cela se mélange avec la légèreté de la jeunesse, l'amitié et l'amour. Et il y a une chose dont je n'ai pas encore parlé qui renforce mon hypothèse. Sur les procès-verbaux de son arrestation, Sam reconnaît que Rolande de Pape, la nièce de Marie-Rose, était alors son amante. Il déclare qu'ils se sont rencontrés quelques années plus tôt, au camping. Et elle aussi a été arrêtée le 9 mars 44. Mais contrairement à Sam, Rolande a été relâchée. Je me demande pourquoi et quel a été son rôle dans ce groupe. Je me rends compte qu'elle a été après-guerre une militante du PCI, le parti trotskiste. C'était même une fidèle de la fraction lambertiste, perçue comme la plus rigide. Elle a aussi milité des années à la tendance École émancipée du syndicat national des instituteurs. Dans les documents que je lis sur ce collectif, je trouve également le nom de Jenny Plocky. Je me rends compte qu'elle aussi a été militante de Socialisme ou Barbarie, que Marie-Rose, la tante de Rolande, a cofondé. Allô ? Oui, allô, bonjour, Antoine Tricot à l'appareil. Est-ce que... Pardon ? Bonjour, c'est Antoine Tricot à l'appareil, vous savez, le journaliste. Ah oui, oui, oui, oui, j'ai votre lettre sous les yeux d'ailleurs. Alors, écoutez, les gens que vous citez, moi je les ai bien connus. Attendez, je mets mes lunettes. Allô ? Oui. Bon, j'ai bien connu Rolande de Pape, et très très bien connu surtout Marie-Rose Berlan. Parce qu'on était au PCI entre 46 et 48, et on était dans la même tendance, celle qui est devenue socialiste ou barbarie. Et vous savez comment ça arrive, on s'est perdu de vue. Mais c'était une amie très très proche, et bon, très intéressante. Alors, de Rolande de Pape, j'ai des mauvais souvenirs. On était d'accord sur rien. Alors, c'est un peu difficile. Hein. Puis elle était arrogante, elle était... Et puis bon... Puis on n'adhère pas à l'école émancipée quand on fait l'école comme les bourgeois et les réacs. Parce que à l'école émancipée, on était essentiellement pour l'école nouvelle de Crolli, Freinet, etc. Et elle, pas du tout. Alors, on n'avait rien à faire de la pédagogie. Mais strictement rien. Ce qui fait qu'un jour, alors qu'elle était ainsi pas très loin de mon école, moi c'était dans le 5e arrondissement, voilà, elle a été prise en flagrant délit, pendant que les gosses faisaient de l'écriture, de faire des tracts pour Lambert. Alors, vous voyez, ça a mal fini. Et après, elle a été déplacée et je ne l'ai plus jamais vue. Est-ce que vous saviez que Rolande était la nièce de Marie-Rose ? Oui, je le savais. Je le savais, mais elle ne s'entendait pas bien. Et elle, par contre, au contraire de Rolande, elle était sympathique. Oh, et comment ? Très ouverte, sympathique. Je dirais presque joyeuse après la guerre. J'ai une question un peu indiscrète sur elle, mais est-ce que vous savez si elle avait un compagnon ou une compagne ou... Écoute, honnêtement, je m'en souviens pas. Mmh. Elle avait sûrement un compagnon, hein. C'était pas le genre... Mais elle était anti-mariage, ça je sais. Comme moi. Et est-ce qu'elle avait des enfants ? Non. Oh non, elle avait pas d'enfants. Mais moi non plus, j'en ai pas. Au lendemain de la guerre, on n'avait pas envie d'avoir des enfants. Et Rolande non plus n'avait pas d'enfant. Non. Par ailleurs, vous parlez d'un nommé Sam Mandelbaum. Bon. J'ai un tableau non signé qui pourrait être de Sam. Ça serait incroyable. Hein? Mais il n'est pas signé. Alors, j'ai fait retourner le tableau, des fois les gens signent à l'envers. Il n'est pas signé. Et à mon avis, je pense forcément que c'est de lui. Je ne me rappelle plus qui me l'avait offert. Et c'est un tableau, c'est figuratif, mais pas figuratif au sens courant. C'est plutôt, comment dire, figuratif un peu sec. Et j'ai une dernière question. Vous avez rencontré Sam ? Attendez. Est-ce que je l'ai rencontré ou pas ? Parce que ce tableau m'a été offert. Je ne peux pas affirmer que je l'ai rencontré. Découvrir le passé résistant de Sam m'a permis de sentir ce qu'il a vécu durant la guerre. Les joies d'un jeune homme, ses amours, et puis la clandestinité, le danger, la politique, l'arrestation, la torture et la déportation. Mais la vie de Sam ne s'est pas arrêtée durant la guerre, ni à sa déportation, ni à son action dans la résistance trotskiste ou aux auberges de jeunesse. Sam a été un peintre, et même si ma grand-mère et ma mère se souviennent qu'il a détruit ses tableaux, j'aimerais tout de même tenter de reconstituer son œuvre. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui ? C'était « Ce souvenir de Sam ». Sixième épisode, Auberge de jeunesse. Avec Marie-France Laval, Lucette Heller-Goldenberg et Jenny Plocky. Lecture, Hélène Losseur. Archivina, Aude Vassant. Merci à toutes les personnes nombreuses qui m'ont aidé dans mes recherches et dont la liste est sur le site de l'émission. Ce projet a reçu le soutien de l'aide sélective aux autrices et auteurs de podcasts et de créations radiophoniques du ministère de la Culture. Prise de son, Lucien Lefebvre et Thibaut Nassimben. Mixage, Éric Boisset. Stagiaire, Alice de Roche-Lallemand. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Un documentaire d'Antoine Tricot, réalisé par Séverine Cassard.